perds, je le trouve, je la cherche, je le couvre. Mais pour le moment, tu me fais tourner la tête. Amère, je l'ouvre, je l'aime, je le prouve. À chaque instant, tu me fais tourner la tête. Je l'ai, je la garde, le chante, l'enchante. Car c'est bien toi qui me fais tourner la tête. Mes yeux la regardent, j'oublie l'attente. Une chose est sûre, tu me fais tourner la tête. On passe son temps à l'attendre, mais les sons ne peuvent l'entendre. Les sons des relations d'entente, tapissent l'antichambre. Les cambrures des femmes faciles suffisent. Rassasier le désir par gourmandise. Quoi qu'on en dise, on se rappelle des ébats. Mais pas du blast et du visage de ces filles-là. Quand on file à l'anglaise, il reste sur le bout de la langue un simple goût de baisse. Parler de vous à la première et de 100 demoiselles fixes. Célibataire depuis la primaire, l'amour avec un X. Les ex s'empilent, mais qu'est-ce qu'il reste? Un semblant de sexe à pile dans le fond d'une durex. Des explications, d'incompréhension, un peu de tension, mais pas de passion. En pension incomplète, dans tes draps pas de conquête. Tu te braques et ça te fait tourner la tête. Je le perds, je le trouve, je la cherche, je le couvre. Mais pour le moment, tu me fais tourner la tête. Amère, je l'ouvre, je l'aime, je le prouve. À chaque instant, tu me fais tourner la tête. Je l'ai, je la garde, le chante, l'enchante. Car c'est bien toi qui me fais tourner la tête. Mes yeux la regardent, j'oublie l'attente. Une chose est sûre, tu me fais tourner la tête. Tu me fais tourner la tête, moi l'être impénétrable. Obligé de battre en retraite, tu m'as laissé affable. Au bord du chemin, je vagabondais comme un chien. T'as su m'arracher d'ici en me saisissant la main. Comme quoi, il suffit de peu pour que tout change. Un bon coup de chance, un sourire, une femme touchante. Allez chante, éteins les promesses. Verdoyant notre avenir prometteur, même avant qu'il naisse. Est-ce un rêve, peut-être juste un mirage? Un baiser sur les lèvres et soudain je prends le large. J'ai le cœur léger, délesté de ses poids. De la poisse qui me souillait jusqu'au bout des doigts. Tu me fais tourner la tête comme une liqueur trop bonne. Trop d'hommes fredonnent de belles choses mais jamais ne donnent. Mes hématomes cicatrisent en ton sein. Laisse-moi te prouver mon amour au creux de tes reins. Un brin flop bleu mais je flippe par peur du flop. J'ai que les sentiments fluctués se consument comme des clopes. Embarquons avant que ne sonne le clap. Car tu es ma dope, mon oxygène, mon rap. Je le perds, je le trouve, je la cherche, je le couvre. Mais pour le moment, tu me fais tourner la tête. Amère, je l'ouvre, je l'aime, je le prouve. À chaque instant, tu me fais tourner la tête. Je l'ai, je la garde, le chante, l'enchante. Car c'est bien toi qui me fais tourner la tête. Mes yeux la regardent, j'oublie l'attente. Une chose est sûre, tu me fais tourner la tête.